depuis que tu es entré dans ma vie. La pluie ne compte plus, le soleil est toujours de la partie. Les gens peuvent dire du mal de moi, rappeler mes fredaines d'autrefois. Plus rien ne me touche à part toi. Je suis le roi. Ah si je l'avais su, plutôt tu serais entré dans ma vie. Je n'aurais pas non plus couru à perdre haleine toutes les filles. Oui mais le bonheur est fait comme ça. Il se cache de nous et puis voilà. Il se montre en plein jour dans les yeux de l'amour. Jaloux comme de vieux hiboux me crient. Il ne fera pas long feu, c'est à mon merveilleux, il rit. Mais je les connais et ne les crois pas. Ils seraient contents si ça ne marchait pas. Rien ne peut m'arriver si tu es là auprès de moi. Depuis que tu es venu, depuis que tu es entré dans ma vie, la pluie ne comptait plus, le soleil est toujours de la partie.